Musa! Ouais! Viens là! Regarde, à l'école, c'est qui m'a envoyé. Il t'a envoyé quoi encore? Regarde toi-même, lis! Mais j'étais là, il m'a dit, attends, j'étais là! Moussa, tu peux pas me dire, cette mois-là aussi, t'as pas l'air. C'est des menteurs, c'est des menteurs! Toute la vie, c'est comme ça, toute la vie, c'est Moussa, Moussa, Moussa! Moi, j'en ai marre, voilà, tout le temps, Moussa, Moussa! Tu parles qui comme ça? T'en as marre de, tu parles à moi comme ça? Moussa, vas-y, sors d'ici! Sors d'ici, là! L'argent fait pas le bonheur, chez nous il est essentiel. La daronne fait la prière quand les condés prennent l'ascenseur. Père Kizzy casse la porte, il réveille mon frère et mes sœurs. Je baisse la tête devant le daron, y'a que devant lui que j'ai peur. J'agis sans réfléchir, les regrets c'est toujours après. Je suis solo en garde à vue, je vais y passer deux après-midi. Moi j'ai pas grandi dans la joie, écoutez monsieur l'OPJ. Quand je voyais les sables de mes potes de voler, j'étais obligé. J'ai pas vendu pour faire le beau, je vais plaire à personne dans la tête. J'aurais aimé avoir des balles moi, pendant la grossesse. Mais bon c'est Dieu qui donne, pour l'instant je suis en classe moyenne. Et comme si ça suffisait pas, encore j'avais pas la moyenne. Un jour le prof m'a dit, gamin toi t'en as dans la tête. Un an après j'arrête l'école pour faire un terrain dans la tête. J'essaye de faire les choses carrées, sur la tête de Galilée. Est-ce que je dois attendre qu'on partage, pour être un genre validé? Je me demande combien de choses on nous a pardonné. À cause du manque d'argent, combien on finit par zoner. Ma vie c'est pas facile, donc mon frère on a volé. Je leur ai parlé du futur, ces bâtards ont rigolé. Faut compter sur personne pour avancer. Sache que c'est ton pote qui peut dénoncer. Ma famille c'est pour la vie, donc ne l'oublie jamais. Dehors ils font les gros, mais dedans ils mangent la gamelle. Dehors ils font les gros, mais dedans ils mangent la gamelle. Dans la ville, jamais broliqué. Paraît qu'on veut m'enlever la vie. Est-ce que je dois paniquer? Dans une équipe, toujours un traître. Ça a médité, le succès m'a dit j'arrive. Ça fait longtemps, il met du temps. Qui peut dire que j'ai menti? Moi, j'suis pas vomito. J'préfère mourir à 19 piges que de baver au combico. J'en ai fait des chapeaux, ok, paraît complicado. Monsieur l'OPJ, sur ma mère que j'lui mène en bateau. Maillot du Napoli, bloqué la Kika. Discret comme Akali, mais c'est côté Bogota. Période de Ramadan, le terrain fait un pas Starfallon. Les meufs se respectent plus, les gars sont fous pour les dollars. Y'a ma chérie qui m'appelle, j'ai plus un Marcel. Elle aime pas quand j'suis dehors, elle préfère qu'on parle l'hôtel. Faut faire les choses carrées sur la tête de Galilée. Est-ce que je dois attendre qu'on partage pour être validé? Je me demande combien de choses on nous a pardonné. À cause du manque d'argent, combien on finit par zoner. Ma vie c'est pas facile, donc mon frère en a volé. Je leur ai parlé du futur, ces bâtards ont rigolé. Faut compter sur personne pour avancer. Sache que c'est ton pote qui peut dénoncer. Ma famille c'est pour la vie, donc ne l'oublie jamais. Dehors ils font les gros, mais dedans ils mangent la gamelle. Dehors ils font les gros, mais dedans ils mangent la gamelle.